إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 11e leçon de cette série de Doros sur l'Itqan de l'imam Suyuti. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est mort qu'après que tout le Coran ait été écrit. Je parle d'écriture, sinon il a été mémorisé par un certain nombre de compagnons. Et certains se sont distingués dans sa mémorisation, comme Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'ad ibn Jabal et Salim, l'affranchi d'Abu Hudhayfa. Il a été mémorisé et écrit selon l'ordre du tartil que nous connaissons aujourd'hui. L'ordre des sourates et des versets, avec la Fatiha au début, puis la Baqara, etc. Et pas selon l'ordre chronologique. Je l'ai expliqué dans les cours précédents. Il a été mémorisé et écrit selon l'ordre du tartil, l'agencement, le tartil bien agencé comme le prophète sallam l'ordonnait aux compagnons, et non pas selon l'ordre chronologique. Il a été écrit en totalité, mais réunis en un seul document, écrit par différentes plumes, différents scribes sur des supports variés, des branches de palmiers dépouillées de leurs feuilles, l'usoub, les pierres plates et bien minces, les khafs, les morceaux de peau de papier, l'riqa'm, l'aktaf, les omoplates. Tout cela est écrit sous la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, mettez ce verset ici, mettez ce verset dans tel surat, mettez-le après tel verset. C'est ce qu'on appelle le tartil textuel. Pas le tartil vocal que nous allons étudier, inshallah, dans cette série. À l'époque du califat d'Abu Bakr Siddiq, il y eut la bataille d'Al-Yamama. Et beaucoup de qurra', de savants de la qara'a, de la lecture du Coran, furent tués selon certains versets. Certaines versions, 700 ont été tués. Et alors le besoin de réunir ce qui a été écrit en un seul document s'est fait terriblement sentir. Et le premier qui eut l'intuition de réunir les écrits du Coran est Omar radiallahu anhu. Il fit part de ses craintes à Abu Bakr, qui convoqua Zayd ibn Thabit à cette mission. Zayd avait plusieurs qualités qui le qualifient à cette mission. Il était jeune, il écrivait la révélation dictée par le prophète sallam, il était voisin du prophète sallam, souvent disponible, et surtout, qu'il a entendu le Coran de la bouche du prophète sallam après la dernière séance de révision et de mise au point entre Jibril et l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier ramadan de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était en fait une double séance. C'est ce qu'on appelle al-ard al-akhira. Et comme vous le savez, la dernière mise au point fixe le texte final du Coran. Fixe la quantité des lettres et des mots, l'ordre des mots et des versets. Il y a des versets dont le texte a été abrogé. Bon, Zayd était au courant de tout cela. C'est-à-dire, après la dernière mise au point, le dernier ramadan de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Thabit a reçu le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam après cette mise au point. C'est-à-dire il est au courant de tout ce qui a été abrogé, il est au courant de tous les ahraf, c'est-à-dire la dernière mise au point qui a fixé le texte final, le texte coranique final. Et donc ça fait partie des qualités qui qualifie Zayd ibn Thabit à cette mission-là. Et malgré cela, Abu Bakr et Omar n'ont pas dit à Zayd ibn Thabit d'écrire le Coran en se basant sur sa mémoire, sur son hifd. Ils lui ont dit, bon, ils l'ont chargé de réunir ce qui a été écrit par les autres scribes. Ah, ça, c'est une rigueur dans l'authentification. Ils ne l'ont pas renvoyé à son hifd. Ils n'ont pas dit, écris ce que tu as appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou selon ce que tu as écrit, ce que tu as mémorisé. Zayd ibn Thabit, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adopté un manhaj dans sa recension. Il a exigé la présence de deux témoins, de témoins que le texte qui lui fut apporté a été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il dictait la révélation. Ah, c'est une autre rigueur dans la préservation du Coran. C'est-à-dire, non seulement, il n'a pas dit que chaque compagnon qui a écrit quelque chose sur un support quelconque, un morceau de peau ou une pierre plate qui la ramène, et voilà, on réunit tous ces éléments-là. Non, non. Il a dit, ce qui a été écrit, il faut deux témoins qui témoignent que ce texte-là a été écrit devant le professeur Salam sous sa dictée. Il a réuni ses écrits, il les a réécrits sur un seul document, sur un seul parchemin, sur des feuilles, alors qu'auparavant les versets étaient écrits sur des pierres plates, des omoplates, comme j'ai dit. Et maintenant, on a un seul support, écrit par une seule plume. C'était des feuilles, des sohofs, pas encore sous forme d'un mushaf, pas encore sous forme d'un livre avec ses deux plats et les feuilles au milieu, non. Et les sourates n'étaient pas encore ordonnées, mais les versets étaient bien fixés et agencés dans les sourates. Un document officiel, gardé en cas de besoin. Titre de précaution, au cas où il y aurait un massacre d'autres Qurra. Ce document fut soigneusement gardé par Abu Bakr, dans les archives de l'État. Et Abu Bakr mourut. Le document passa aux mains de Omar, qui, quand il fut investi calife, et Omar mourut et laissa par testament le document à Hafsa, notre mère des croyants, Hafsa, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant toute cette période, personne ne recourait à ce document. Les compagnons et les tabi'in n'en avaient pas besoin. L'apprentissage du Coran se faisait oralement, se transmettait oralement par une pluralité du Qurra à leurs disciples, un nombre trop élevé de Qurra, de récitants, pour que la moindre lettre ou la moindre mode ou le moindre mode de formulation étranger au Coran ne puisse se glisser dans les qira'at. C'est ce qu'on appelle le tawatur. C'est-à-dire un nombre trop élevé de qira'at concordantes. Si bien que lorsqu'une qira'a étrangère veut s'immiscer, ils la dénoncent. Ils savent que c'est une qira'a étrangère. Ils savent que c'est un harf qui est étranger. Ou un mot où ce n'est pas comme ça qu'il faut prononcer tel verset ou tel mot. À l'époque du calife Othman, l'empire musulman s'est élargi. De nouveaux pays ont été conquis, des peuples de différentes religions, différentes origines, différentes races ont embrassé l'islam. Des langues étrangères et des dialectes ont contaminé la langue arabe. Les non-arabes prononçaient mal certaines lettres arabes et récitaient mal le Coran. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, ils ont difficulté à prononcer le qaf. Le qaf dans certaines régions, et même dans certains pays maintenant musulmans et tout, le qaf il dit a, qalb, alb, l'akhlaq, akhla. Et parfois il prononce le qaf ra, comme certains pays de l'Orient. Le ha, ils ont difficulté à prononcer le ha, ils disent ha, ha, dit ha, ils disent ha. Donc les gens récitaient mal le Coran. Et certains, ils récitaient le Coran à leur guise en prenant la licence des sept ahrof comme prétexte. Bon, un certain laisser-aller, une négligence commence à apparaître. Il n'y a plus la rigueur et le scrupule comme chez comme chez les compagnons radiallahu anhum. Et alors une certaine déviation commence à se manifester et la licence de cet ahruf dont le but initial est l'allègement de la contrainte à la communauté fut mal comprise par certains. Et une divergence eut lieu entre les combattants musulmans de Syrie et les combattants musulmans de l'Irak lors de l'expédition pour la conquête de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Là, Hudhayfa ibn al-Yaman a accouru vers le calife Othman, il lui dit « Sauve la communauté ». Et là, le motif n'est plus le massacre des Qurra, c'est-à-dire un document gardé au cas où il y aurait un massacre, mais le motif est la divergence entre les Qurra. Hein? Donc il faut un livre qui tranche en cas de divergence. Othman alors adopta un manhaj, celui qui le médite et l'examine minutieusement, ne peut qu'implorer la miséricorde pour Othman radiallahu anhu. Le mérite de Othman, on peut l'imaginer. Il a engagé un comité composé de compagnons, dignes, des compagnons qui sont connus pour leur mémorisation du Coran et leur excellence dans la langue, éloquence dans la langue arabe. Les compagnons sont Saïd ibn al-As, Abdullah ibn Zubair, et Abdurrahman ibn al-Harith. À leur tête, il désigna un Médinois. C'est tous ces compagnons-là, bon, c'est des compagnons des Muhajirines. Il désigna à leur tête Zayd ibn Thabit, qui est un Médinois, qui est de la tribu de Khazraj. C'est-à-dire celui, c'est Zayd ibn Thabit qui a fait la première ascension au califat d'Abu Bakr. Et Uthman se fit apporter le mushaf qui est chez Hafsa. Il y eut alors fixation de la quantité. Bon, je résume ce qu'on a dit la dernière fois. Il y eut la fixation de la quantité des lettres, des mots, des versets et des sourates. Fixation quantitative, de sorte que personne ne dise qu'un mot manque ou un verset manque ou une sourate. Il y eut unanimité sur la quantité. Fixation de la structure. L'ordre des mots, des versets a été fixé. La fixation structurée pour que personne ne puisse alléguer que l'ordre des mots dans tel verset ou tel sourate a été inversé ou tel verset doit être avant celui-là, après celui-ci, etc. Donc, le texte a été, c'est-à-dire fixé de cette manière. Et il a été écrit d'une manière qui peut être lue selon le maximum des ahraf. Graphie, sans point diacritique, sans voyelle courte. C'est bon? Donc, fixé d'un côté et ouvert d'un autre côté. Ouvert, adapté au maximum des ahraf. Les ahraf, les idiomes, nous avons expliqué ce que ça veut dire. Nous avons expliqué. Peut-être, هنالك تتلو كل نفس, هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت, هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. Il y a un harf, il y a celui-là, il y a celui-là. يخدعون يخادعون. Donc voilà ce qui a été fait. Puis le mushaf, quand il a été écrit, il fut copié, il fut écrit en 6 ou 7 exemplaires. Uthman envoyait ces exemplaires aux différentes métropoles de l'Empire musulman. Il a envoyé un mushaf au Sham, un al Koufa en Irak, un à la Mecque, un al Basra, etc. Il l'a gardé un pour lui-même, c'est le mushaf personnel. Et ces exemplaires servent de quoi? De référence en cas de divergence. Au cas où il y aurait divergence dans la ville d'Al-Kufa, ils ont déjà le mushaf de référence auquel ils peuvent s'en remettre. Et c'est, comme j'ai dit la dernière fois, il y a quelques différences, ça c'est très très important, il y a quelques différences entre ces mushaf. Il y a quelques différences. Comme فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا dans Surat وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Dans un mushaf, le mushaf de Médine et de Syrie, on trouve فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا avec le fa. Et dans le mushaf de Kufa et de Basra, on trouve وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ dans Surat al-Baqara. وَوَصَّى le mushaf de Kufa et de Basra, on trouve وَوَصَّى. C'est ce que vous lisez aujourd'hui dans Riwayat Hafs an Asim. Vous lisez وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. Et le mushaf de Médine et de Sham, وَأَوْصَى. Ça, c'est riwayat Warsh an Nafi' wa awsa biha Ibrahim ou Bani. Dont on trouve par exemple Ja'u bil bayinati wa zuburi wal kitab al munir. Ça, on le trouve dans le mushaf que vous lisez aujourd'hui. Hein, c'est riwayat Warsh, riwayat Hafsa an Asim, le Koufa al Basra et aussi le Medina riwayat Warsh. Et dans un autre mushaf, vous trouvez Ja'u bil bayinati wa biz zuburi wa bil kitab al mubin. Ou bil kitab al munir. Ja'u bil bayinati wa biz zuburi. On a ajouté un ba. Wa bil kitab, un autre ba. Ça, c'est dans le mushaf Sham de Syrie, comme a dit Abu Amr al-Dani. سارعوا وسارعوا سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا أو نجدي الواو دون سارعوا ساس المصحف دو ميدين وسارعوا ساس الكوفة ومن يرتد من يرتد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم دون سورة المائدة من يرتد منكم دون. Ça, c'est dans le Mus'haf al-Kufa. Dans d'autres Mus'haf, on trouve « Meyyar Tadid ».« Yar Tadid » deux « Dal » au lieu d'un seul. Il y a le « Dal » au-dessus duquel il y a la « Shadda ». Ça, c'est dans le Mus'haf al-Kufa. C'est « Qara'at Asim ». Et « Meyyar Tadid », ça, c'est « Mus'haf al-Madina » et « Sham ». C'est « Qara'at Nafi' ibn Amir » et « Abu Ja'far ». Donc, il y a des différences. Est-ce une erreur des scribes? Non, pas du tout. Au contraire, c'est une preuve de leur grand savoir. C'est que ces variantes sont des ahruf que la graphie ne peut pas supporter. Donc, soit on les met, soit on les enlève. Comment on va faire? Meyyar tadda, meyyar tadid. Qu'est-ce qu'on va faire? On écrit soit meyyar tadda ou on écrit meyyar tadid. Et si on écrit l'un, on rejette l'autre. Donc Othman, il les a répartis sur le Mas'haf. Fa inna Allah al-Ghani al-Hamid. Hein? Dans sourate al-Hadid. Allah est le riche et le glorieux. Fa inna Allah al-Ghani al-Hamid. Dans un autre Mas'haf, fa inna Allah huwa al-Ghani al-Hamid. Fa inna Allah huwa al-Ghani al-Hamid. Le Mas'haf que vous lisez, selon riwayat Hafs, عن عاصم فإن الله هو الغني الحميد c'est مصحف الكوفة فإن الله الغني الحميد ça c'est مصحف de الشام مصحف aussi de المدينة parce que رواية قراءة نافع il la lit de cette manière il ne prononce pas le هو le damir le pronom هو il ne le prononce pas parce qu'il suit le مصحف de Médine نافع بن عامر أبو جعفر aussi. Donc, pour ne pas enlever l'un ou l'autre des ahruf, Othman les a répartis sur différents exemplaires. Autre chose, la raison qui a poussé Othman à faire cela, à répartir ces ahruf, c'est que, ces variantes entre les masahif, c'est que dans les grandes villes auxquelles il a envoyé les copies, ces grandes villes se sont déjà habituées à certains mots. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ces mots dans leur mashaf. Il a mis ces mots-là, les mots auxquels ils sont habitués, les amis de. Et il a adapté la copie au harf des habitants de la ville à qui il l'a envoyé. Du moment que ce harf-là est un harf mutawatir, rapporté par une chaîne, par un grand nombre de compagnons. Donc, ce que la graphie supporte, il l'a écrit dans tous les mashaf, et ce que la graphie ne supporte pas, il a, c'est-à-dire soit ajout, soit suppression, il l'a réparti sur les différentes masahif. Donc Othman a mis fin à la divergence et il a maintenu la licence des ahruf, des sept idiomes. Il a donné l'ordre à quiconque possède un mushaf personnel de le brûler. Et beaucoup de compagnons avaient des mushaf personnels, des mémoires personnelles, des versets avec à côté leur explication, des invocations comme dans l'invocation Al-Hafd et Al-Khul'a d'Ubay ibn Ka'b, ça on a parlé la dernière fois, et des versets qui ont été abrogés, etc. Les compagnons qui avaient recensé le Coran et avaient écrit le Coran étaient vraiment excellents. Ils avaient atteint le sommet de la connaissance de la langue arabe, son éloquence, ses subtilités et sa graphie. Quand on médite la graphie, rasm, quand on médite avec science, avec étude poussée de la graphie, on se rend compte de la grande connaissance de ces grands hommes. Ils ont orthographié le Coran conformément aux règles de la langue arabe. Les mots de la révélation que le professeur sallam dictait aux scribes, il les représentait tels qu'ils sont dans la graphie. C'est de cette manière qu'ils avaient procédé, mais de manière générale, globale. Dans plusieurs endroits du Coran, ils n'avaient pas respecté cette règle, pour des raisons éminentes, des raisons sages. Soulignez bien des raisons sages. Et ça, certains orientalistes et certains penseurs musulmans, certains, ce qu'on appelle les mutaqafones, les pseudo-intellectuels, ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas, les compagnons radiallahu anhum, ils n'ont pas respecté ces règles pour des raisons linguistiques, raisons de vocalisation, des raisons de mélodie, et pour qu'une graphie, une même graphie soit lue selon plusieurs ahraf, selon plusieurs modes de formulation, selon plusieurs idiomes arabes. Bien plus, cette graphie recèle d'autres secrets. Certains savants ont décelé certains des secrets de Rasm al-Uthmani. Je pense à Abu Amr al-Dani, l'Andalousi, dans son livre Al-Muqni' fi Rasm Masahif al-Amsar, et Abu al-Abbas al-Murrakushi dans son livre Unwan Dalil min Marsoumi Khat al-Tanzil. Nous allons, inchallah, donner un aperçu sur ces secrets de la graphie. Pourquoi le mot a été écrit de cette manière et pas de cette autre manière? La raison. Cette graphie, subhanallah, ne cesse de révéler ses secrets. Ça, c'est un autre aspect de l'irjaz, de l'inimitabilité du Coran. Suyuti, il traite de ce thème de graphie dans le 76e chapitre de son livre Al-Itqan. C'est-à-dire, c'est vers la fin de son livre. Noua Sadis wa Sab'oun fi Marsoum al-Khatti wa Adab Kitabati. Graphie du Coran et les règles de bienséance à respecter pour son écriture. Bien sûr, bon, je ne vais pas détailler ce sujet ici, mais je le reporterai à la branche du Tadwin, la branche de la compilation, mais je vais vous en donner un aperçu pour des raisons pédagogiques, pour que vous ne perdiez pas le fil et qu'il n'y ait pas de lacune dans le passage. Passage, Ahrof, première recension, Abou Bakr, l'époque d'Abou Bakr, deuxième recension, et puis passage vers les sept qira'at, et après, bien sûr, les trois autres, les dix qira'at. D'ailleurs, si je n'ai pas respecté l'ordre des chapitres de l'Itqan, c'est pour cette raison, pour une raison pédagogique. En quoi consiste cette différence entre l'orthographe analogique, Rasm al-Qiyasi, et l'orthographe des scribes, des compagnons radiallahu anhu, et du comité censeur de certains mots qui ne respectent pas les règles? Attention, quand je dis et ils ne respectent pas l'orthographe usuelle, cela ne veut pas dire qu'il est étranger à la langue arabe ou quelque chose de ce genre. Attention à ça. En quoi consiste cette différence? Il consiste en la suppression, ça se yoté le signal dans le 76e chapitre. La suppression, al-hadf, l'ajout, ziyada, le hamz, le a, le hamza. La permutation, le bedel, la jonction et la disjonction, le wasl ou le fasl. Et enfin, ce qui peut être lu de deux manières qui remontent authentiquement au professeur sallam, mais qui a été écrit d'une seule manière. J'explique. Alors, suppression, l'hadf. Exemple de la suppression. La suppression est fréquente dans le Coran. Elle est très fréquente. Exemple simple. Maliki yawmiddin. Lecture de Hafs. Riwayat Hafs an Asim. Qira'at Asim. Vous lisez. Malik yawmiddin. Mais comment ça s'écrit dans le Coran? Ça s'écrit Malik avec le mim, le lam et le kaf, le alif a été enlevée entre le mime et le lame. Pour que cette graphie-là soit lue selon Hafs et selon Warsh. Vous savez bien que le Warsh, ils lisent Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Warsh. Hafs. Maliki Yawmiddin. Malik. Donc le alif. Mais comment ici la graphie de Othmanien? C'est comme ça. M, le mim, l'am et le kaf. Malik. Sans le alif. Et il désigne un petit. Il marque un petit alif entre le mim et le lam. Un petit alif, un petit signe comme ça. Pour te dire que ça se lit comme ça. Malik. Comme yukhadi'un et yakhda'un. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون dans sourate al-Baqara. وما يخدعون. Vous lisez رواية حفص عن عاصم. حفص الكسائي حمزة aussi lisez وما يخدعون. Mais ورش أو قراءة نافع وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخادعون. Et aussi Abu Amr al-Basri ibn Kathir al-Makki, il lisent de cette manière. Wama yukhadi'un. Mais la graphie, il est comment? C'est Wama yakhda'un. Il y a l'ya, ya, et le kha, et le dal, et le ayn, le waw, et le nun. Entre le kha et le dal, il n'y a pas d'alif qui sépare les deux lettres. Mais vous allez trouver un petit trait entre le kha et le dal. C'est bon? Il n'y a pas d'alif. Suivez avec moi cet exemple. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Dans sourate al-Furqan, sourate 25. وجعل فيها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Il y a placé un luminaire et une lune éclairante. Il y a placé, ça veut dire il a placé dans le ciel, un luminaire, yani sirajan, ça veut dire le soleil, shams, et une lune éclairante, et une lune wa qamaram munira. Sirajan wa qamaram munira. Dans ce verset-là, les scribes, le comité censeur, il a écrit sin ra jim. Et alif à la fin. Siraja. Si on le lit comme ça, par exemple, on va lire Siraja. Il n'y a pas alif. Sans le alif. Dans le mushaf que vous lisez aujourd'hui, vous allez trouver Sin, Ra, Jim, alif. Il n'y a pas de alif entre Ra et le Jim. Le alif est à la fin. Sirajan. D'accord, avec le tanwin. Mais entre le Ra et le Jim, vous ne trouvez pas le Alif. Passons à Surat al-Ahzab. La Surat l'équalisée, la Surat 33. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Oh prophète, nous t'avons envoyé nous t'avons envoyé pour témoigner, porter la bonne nouvelle, donner l'alarme, appeler à Allah sur son ordre, être un flambeau rayonnant. Siraj munir. Siraj ici, l'alif il est clair. Entre le ra et le jim, ils ont marqué le alif. Ils ont marqué le alif. Là, alif il est clair. Entre, comme j'ai dit, le ra et le jim. Dans Surat al-Naba maintenant, Surat al-Naba, Surat 78, Amma yatasa'alun, anil-Naba'il 'Azim, Amma yatasa'alun, anil-Naba'il 'Azim, alladhi hum fihi mukhtalifun. Dans un verset, il dit, Waja'alna sirajan wahaja. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وجعلنا سراجا وهاجا جعلنا سراجا وهاجا سراجا لا إلى marqué الألف entre le ra et le jim Il a marqué l'alif. C'est dans la graphie de Uthman, ça, le alif est marqué. Il est marqué ici, dans Surat Amma et Tasa'alun. Il est marqué dans Surat Al-Ahzab, Surat 33. Il n'est pas marqué dans Surat Al-Furqan. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. Bon, un débile ou un prétentieux ou un superficiel va dire oh, erreur d'orthographe. Ils ont oublié le alif dans la Surat Al-Furqan. Ben oui, ils avaient dit Siraj, Siraj, ça s'écrit avec un alif dans Surat Al-Ahzab et Amma. Et là, ils ont oublié le alif, Siraj. Ben, c'est clair. Erreur, non, pas du tout. C'est que selon un harf, il y a un harf qui a été révélé au prophète sallam, qui l'a transmis aux compagnons. Ils lisent Soroja. Certains compagnons lisent Waja'ala fiha surujan wa qamaran munira. C'est-à-dire au pluriel. Siraj, c'est un singulier et suruj, c'est au pluriel. Suruj. Waja'ala fiha surujan wa qamaran munira. Certains compagnons le lisent de cette manière, selon un harf, un mode de formulation. Donc, qu'est-ce qu'a fait Uthman? Il a mis Sorujan parce que cette graphie accepte les deux lectures. Il accepte Siraj, et dans ce cas, on va se contenter de mettre un petit alif, ou Sorujan, et là, on n'a pas besoin de alif. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا Riwayat Hafs, عن عاصم, que vous lisez, et نَافِعُ سِوَرْشِ رواية ورش عن نافع اللي وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تانديس كو حمزة الكسائي خلف اللي وجعل فيها سروجا وقمرا منيرا سي بون سبحان الله تانديس كو اللي دون لي دو زوتر سورة الأحزاب سورة عما يتساءلون وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا tous les Qur'an lisent comme ça wa sirajan munira amma yatasaalun li waja'alna sirajan wa hadha tous ils lisent comme ça c'est pourquoi il n'a pas enlevé l'alif vous avez compris chers frères dans les exemples sont nombreux en ce qui concerne la suppression du alif dans par exemple quand il s'agit d'un pluriel féminin régulier. Vous savez, le pluriel féminin régulier, qui est le suffixe « at »,« mu'minat »,« mu'minat »,« inna al-muslimina wal-muslimat ». Muslimat, ils ne mettent pas de « alif » entre le « mim » et le « ta ». Ils ne mettent pas. Parce que ce n'est pas la peine. Ça se lit, on peut le lire, c'est-à-dire on peut le deviner tout de suite. Et donc, vous savez, la graphie, les Arabes... Il cherche toujours la concision. La concision est une forme d'éloquence. Khtisar. Il veut écrire le minimum de mots, le minimum de lettres pour un mot. Si on met un maximum de lettres, ça c'est incompatible avec l'éloquence. C'est incompatible avec l'éloquence. En anglais, il dit do not, have not, mais il raccourcit, il dit haven't, don't. Pour plus de légèreté et par souci de concision. Donc, pour plus de légèreté dans la graphie, il enlève le alif. Dans Sourate, où il dit Inna al-muslimina wal-muslimati wal-mu'minina wal-mu'minati wal-qanitina wal-qanitati wal-sadiqina wal-sadiqati wal-sabirina wal-sabirati wal-khati. Tout ça, muslimat sans alif. À la fin, entre le mu'minat sans alif, le qanitat sans alif, entre le nom et le ta, sadiqat, sabirat, wal khashi'at, wal mutasaddiqina, wal mutasaddiqat, wal sa'imina, wal sa'imat, tout ça, wal zakirina, Allah zikran kathiran, wal zakirat, a'addallahu lahum, maghfiratan wa ajran, azima. Donc, tous ces pluriels-là, il n'y a pas le alif. Il n'écrit pas le alif qui vient après le ya de l'appel. Le ya de l'appel, la particule du vocatif. Ya, o. O bani Adam. Ya bani Adam. Ya bani Adam. Qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishad surat al-araf. Ya bani Adam. Ya bani. Après le ya, il n'y a pas l'alif. Ils n'ont pas marqué. C'est pourquoi vous allez trouver que le ya et le bas sont liés. Yabani, ils n'ont pas mis le alif. Il n'y a pas d'alif. Entre par légèreté et par souci de concision. Tous les munadas, tout ce genre de vocatif, ils n'ont pas mis de alif. Haza khalqullah. Le démonstratif, haza, ça vous l'écrivez même dans votre orthographe. Vous n'écrivez pas le alif entre le ha et le za. Haza. Est-ce que vous écrivez le alif? Vous ne mettez pas le alif. Vous mettez ha et le zel et le alif qui est à la fin, bien sûr. Ils n'ont pas mis ce alif. Les noms propres, noms arabes, ils n'ont pas mis le alif. Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Haroun, Luqman, ils n'ont pas mis le alif. Pourquoi? Parce que ce sont des noms co courants et connus. Pour ne pas mettre le alif ne change rien. C'est des noms qui sont connus, donc on n'a pas besoin d'ajouter le alif. Ça se lit comme ça. La personne, il va lire Ismaïl, c'est qu'il n'y a pas l'alif. Ishaq, il sait que l'alif est là. Et qu'il peut, même s'il le prononce, il sait, même si ça s'écrit pas, ben c'est par évidence, par éloquence, il sait, par sa langue arabe, et il sait que c'est qu'il faut qu'il prononce le alif, même si ça s'écrit pas. Et quant au nom que les Arabes n'emploient pas souvent, ah là, quand un mot ne s'emploie pas souvent, ben il ajoute le alif, comme Talout. Vous allez trouver le alif. Jalout, vous allez trouver le alif. Yajouj, selon Riwayat Warsh. Sinon, selon Hafs, ils mettent la Hamza. Yajouj ou Majouj. Le nom Daoud, c'est un nom qui n'est pas arabe, mais ils n'ont pas enlevé le alif. Exception, ils n'ont pas mis le alif. Dans Ishaq, Haroun, Luqman, ils n'ont pas mis le alif. Ils n'ont pas le... Mais dans Daoud, pardon, dans Daoud, le nom Daoud, qui n'est pas un nom arabe, ils ont mis le alif. Ils l'ont mis. Ils l'ont mis le alif. Pourquoi ils ont mis le alif? Pourquoi ils n'ont pas enlevé le alif? Ben parce qu'ils ont déjà enlevé le waou. Daoud. Parce que Daoud, ça s'écrit comment? Le dal, le alif, le waou. Et le deuxième waou et le dal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le deuxième waou. Et puisqu'ils ont enlevé le deuxième waou, ils n'ont pas voulu enlever le alif. Ils n'ont pas voulu enlever le alif. Ils ont enlevé le ya. Comme dans wa ati'oun. Wa iyaya farhaboun. Farhaboun. Ittaqoun. Wa ittaqoun ya ulil albab. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ Il n'y a pas le ya après le nun. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَطِيعُونَ فَأَرْسِلُونَ Normalement, ارهبوني اتقوني خافوني اطيعوني Bien sûr, Atayoun, obéissez-moi. Le ya, c'est un pronom qui renvoie, c'est un pronom personnel. Hein? La première personne du singulier, Atayouni. Mais eux, ils se sont contentés de la kasra qui est à la fin du noun. Ils te disent, voilà, ça, tu vas le comprendre. Et t'as, quand tu comprends bien qu'il y a un ya à la fin, et ils ont enlevé le ya. Quand un mot comporte deux ya, quand un mot comporte deux ya, ils ne mettent qu'un seul ya. Ils ne mettent qu'un seul. Bien sûr, il n'y avait pas de point diacritique, mais ils mettent juste l'endroit. Tu vois la petite dent. Ya, ya. Comme dans Rabbaniyin, Al-Ummiyin, Al-Hawariyin. Ils ont mis, quand il y a deux ya, ils ont enlevé le deuxième. Et vous allez trouver Rabbaniyin juste une seule place du ya. La deuxième, non, il n'existe pas. Il n'existe pas. D'accord? Vous allez trouver Rabbaniyin, Ra, Bal, Alif, Noun, la première ya avec deux points en bas. Et juste après, il y a le Noun. Et puis ils ont mis un petit tiret, un petit signe du ya. Au-dessus du trait, au-dessus du après le après Après le ya, ils ont mis comme quoi ils te disent attention, faut lire rabbaniyin et non pas rabbaniyin. De même que ummiyin, de même que le hawariyin. Pourquoi ils ont fait ça? Pour que celui qui les lise ne pense pas qu'il y a un hamza. Ne risque pas de confondre et dire ummiyin. Ummiyin ou disent hawariyin. Donc, pour éviter cette confusion, ils ont mis comme ça. Un seul ya. Par contre, Nabiyin, ils ont mis deux. Ils ont laissé la place à deux ya. Pourquoi? Ben, ils ont laissé la place à deux ya. Parce qu'il y a un harf, selon un harf, on lit Nabiyin. Nabiyin. Warj, par exemple, il lit Nabiyin. Harf, vous, Hafs an Asim, vous lisez Nabiyin. Ou Nabiyin. Ou Nabiyoun. Nabiyin, donc, Warsh Nabiyin avec la Hamza. Le waw, la lettre waw, la voyelle, pas la voyelle, la lettre de prolongation, le waw, ils l'ont enlevé, ils se sont contentés de la Dhamma aussi, dans certaines places. Wad'ul insanu bish-sharri du'a'ahu bil-khayr, dans Sourate l'Isra. Wad'ul insanu. Wad'u, il y a le ya, le dal, le a, le il y a le ya, le da, et le A. Et juste après, il y a l'insan. Il n'y a pas le un waou. Alors qu'à la base, il faut qu'il y ait le waou. Parce que c'est le verbe da'a, yad'ou. Yad'ou, c'est un verbe au présent. Hein? C'est pas l'impératif. Od'ou, ça, c'est sans le waou, on enlève parce que c'est un verbe en impératif. Là, par contre, le verbe au présent, le mudari, yad'ou, c'est comporte le waou. Mais là, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé parce que bon, ça rencontre la hamzat al-wasl, vous voyez, d'ul insanu, il y a deux sakinin, il y a sakinin, on enlève le premier. Bon, dans la prononciation, mais là, ils ont enlevé le waw. Yamhu Allahu al-batil, yamhu Allahu à la base, yamhu Allahu al-batil dans Sourate Shura. Ils ont enlevé le waw. Ils ont enlevé le nous, le lam dans certains mots pour des raisons sages, et ça, on va y revenir, Inch'Allah. L'ajout du waouh, pour un exemple concernant l'ajout, ils ont ajouté un waouh dans oulaïk. Oulaïka. Oulaïka, vous allez trouver la hamza, le alif avec la hamza dessus, et vous allez trouver le waouh avec un petit rond dessus, comme quoi il te signale qu'on ne doit pas le prolonger. On ne doit pas dire oulaïk dans le débutant, la personne qui ne sait pas, quand qui n'apprend pas la bouche d'un cheikh, il va regarder le texte, il va dire le mot, il va dire oulaïk. Non, il va dire normalement c'est oulaïk. C'est la hamza, il y a le petit waou et le lam et la hamza sur la ligne, sur le tracé et le kaf à la fin. Hein? Ils ont mis ce waou là pour te dire attention, la hamza qui est au début, ça se prononce O. Et ça, c'est pour ça. Autre raison, c'est pour que tu la prononces pas ilayka, par exemple. Si ils enlèvent le waou, la personne risque de la confondre avec ilayka. Hein? Donc, ils ont mis le waou pour que tu lises oulaik. Hein? Ils ont ajouté le waou pour que tu lises oulaik. Ils ont ajouté ce waou là. Et aussi l'ajout de ya, de la lettre ya, afa im, c'est la hamza, le fa, et puis une deuxième hamza et le noun. Non, eux ils ont mis la hamza, le fa, le alif au début, avec la hamza dessus, le fa, et la hamza, et un deuxième alif avec la hamza en bas, et ils ont marqué le ya et le noun, et non pas le noun directement, alors qu'on peut réciter. Qu'on peut l'écrire de cette manière. Afa'in, ça s'écrit l'alif, un deuxième alif et le noun. Eux, ils ont mis le ya pour te dire que, attention, la deuxième hamza se lit i et non pas ou ni a. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles ils ont, je justifie, c'est-à-dire leur travail. Et ça prouve, subhanallah, qu'ils sont des éloquents. La permutation, l'exemple de l'bedel. L'bedel, c'est quoi? Ils ont écrit le alif sous forme d'un ya. Et ça, vous le constatez clairement dans les masahif. Ils ont écrit le alif sous forme d'un ya. Rama, Ata, Istasqa. Vous savez, au début, quand on ne sait pas, c'est quoi ça? Il y a Ra, le mime, et puis il n'y a pas l'alif, il y a Aya. Et pourtant, on le lit Rama. Non, ils ont écrit le alif sous forme d'un ya. Comme Ata, c'est un alif, c'est ce qu'on appelle alif al-maqsoura. L'alif al-maqsoura. Istasqa avec un, à la fin, un ihtada, il y a l'alif du début, l'ha, ta, dal, et il y a un ya à la place du alif, à la place du trait vertical. Wan-najmi hawa avec un ya. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa avec un ya à la fin. Wa ma yantiqu ani al-hawa avec un ya, c'est-à-dire je dis alif maqsoura. C'est sous forme d'aïa. In huwa illa wahyu yuha avec un ya à la fin. Pourquoi ils ont mis le alif sous forme d'aïa? Ben parce qu'à l'origine, il s'agit d'aïa. C'est un ya qui est la lettre radicale de ce verbe-là. C'est le ya qui est la lettre radicale de ce verbe-là. Rama. Rama wa ma ramayta iz ramayta walakin Allah rama. Ra, le mime, et le. Il y a le ra, le mime, et le troisième radical de ce verbe, c'est ya, c'est le ya. Pour s'en rendre compte, vous n'avez qu'à le conjuguer au passé. À la première personne du singulier. Qu'est-ce qu'on dit? On dit rameito. Rameito, c'est donc un ya et non pas un alif. Donc ils l'ont référé à la lettre radicale. Il te signale, il te dit attention. Si nous avons mis Aya, c'est pour te signaler que certes tu vas le prononcer Rama, mais pour te dire attention, c'est qu'à la base c'est un Ya. Rameito. Ata avec un Ya. Ata, c'est voilà, tu prononces Alif, mais tu le conjugues à la première personne du singulier. Ataito. Istasqa. C'est bon? Ça, c'est l'une des raisons pour te dire, voilà, à la base, c'est comme ça. L'autre, c'est que certaines tribus font ce qu'on appelle l'imala. Et ça, on va le voir, Inch'Allah. Une déclinaison, imala, de ce alif, dont l'origine est un ya. Comment ils le prononcent? Comme al-qira'a de Hamza et de l'Kisa'i. Wan-najmi idha hawa, pas hawa. Il y a une inclinaison. Ma dalla sahibukum wa ma ghawi. Il y a une inclinaison. Il y a imala. C'est comme l'accent aigu ou là. C'est pas le A. Le A. C'est E. Ghawi. Wa ma yantiqu ani al-hawi. In huwa illa wahyun yuhi. C'est pas I carré. Parfait, et ce n'est pas un A. D'accord? Ce n'est pas un A et ce n'est pas un I. Ils ne disent pas In huwa illa wahyu yuhi. Mais ils disent yuhi. Par contre, dans Qira'at Asim, ou Riwayat Hafs, yuhi. C'est bon? Donc, certaines tribus arabes prononcent ils font cette déclinaison. Hawe, stasqe, rame, stasqe, a'te, ihtade. Ils ne disent pas ihtada. Ils font cette déclinaison-là. Comme que j'ai dit, Qira'at Hamza al-Kisa, ils font beaucoup cette ima-là. Warsh, il l'a fait parfois. Mais subhanallah, regardez, quand ils arrivent au verset. ثم دنا فتدلى دون سورة النجم والنجم إذا هاوي ما ضل صاحبكم وما غاوي. Quand ils arrivent à ce verset-là, ثم دنا فتدلى, ils disent ثم دنا فتدلى. Le premier alif, ils l'ont gardé, ils ont fait le fath. Dana, normal, comme dans Riwayat Hafs an Asim. Dana, mais quand ils arrivent à Fatadella, ils disent Fatadella, ils font l'inclinaison. Il n'y a pas d'imala dans Dana. Pourquoi il n'y a pas d'imala dans Dana? Pourquoi il n'y a pas d'inclinaison dans Dana? Parce que le alif de Dana, n'est pas un ya. Le alif de dana, à l'origine, c'est un waw. Vous allez conjuguer la première personne du singulier, verbe au passé. Vous allez dire danawto. Danawto. Et quand à la base c'est un waw, il faut qu'il lise comme ça. Dana. Seulement une petite remarque, les Arabes ne font pas le fath parfait, c'est-à-dire le fath en français. Bata, ça n'existe pas en arabe. Il y a toujours une légère inclinaison. Dana, dana. Une légère inclinaison. Le fath parfait que lisent les Français, le A, ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, c'est-à-dire que ça ne se prononce pas de cette manière en arabe. Il y a toujours une légère email. C'est une petite remarque. Donc, ça c'est l'une des raisons de l'inclinaison. Et c'est l'une des raisons pourquoi ils ont marqué le alif sous forme d'un ya. D'un ya. Ils n'ont pas fait l'imala de dana. Je vous ai expliqué parce que le verbe, à la base, le alif, la lettre radicale du verbe dana, il marque dal, nun et le bâton là, le vertical dana. Hein? Ils lisent dana normal, il ne faut pas d'inclinaison parce que à l'origine, cette lettre radicale, c'est le waw. Dana wuto. Autre exemple de permutation, c'est salah. Salah. Wa aqimu salata wa atu zaka. Salah, parfois vous allez lire, le alif est sous forme d'un waw. Salah, vous allez trouver l'alif, le lam, sod, le lam, et puis le waw. Le waw. Et puis à la fin, le ta, le marbota, le ta. Vous lisez pas, vous trouvez pas l'alif, vous trouvez le waw. Le petit trait, ça a été marqué plus tard. Mais dans le rasm al-Uthmani, la graphie uthmanienne, il y a le waw. Hmm? Il se forme de waw. Parce que la lettre de base de salat est le waw. La lettre de base, si on revient là, c'est les subtilités de la langue arabe. Pour vous prouver, démontrer que ceux qui ont écrit le Coran étaient excellents en langue arabe. Et même la graphie elle-même est excellente. Donc, la lettre radicale de ce nom-là, Salat, c'est le waw. Il y a l'alif, l'am, ça on n'en parlons pas, parce que c'est un article. Et puis, sad, et l'am, et le waw. Si on transforme ce nom-là au pluriel, on le met au pluriel, on dit salawat. Ben voilà. Là, il se distingue, il apparaît clairement. Salawat. Le hudimat sawami'u wa bi'u wa salawatun. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Donc, ce n'est pas un alif d'origine, ce n'est pas une lettre radicale. La lettre radicale, c'est le waw. Et aussi, pour autre chose, quand ils ont marqué le waw, ils ont dit attention, il ne faut pas faire l'inclinaison de salat. Faut pas dire salé, salé, l'inclinaison, non. Ils te disent attention, faut pas faire l'inclinaison. C'est pour ça qu'ils ont mis le waw. Le autre exemple de la joue du ha, sakt. Wa ma adraka ma hiya, narun hamiya. Wa ma adraka ma hiya, ma hiya. À la base, c'est ma hiya. Hiya, c'est un damir. C'est un damir, c'est un pronom à la troisième personne du féminin, hiya, elle, hiya. Mais ils ont le ha a été ajouté parce que certains tribus ils prononcent comme ça, ils disent pas hiya, ils disent hiya, hiya, ils disent huwa. Et ça, le Coran l'a respecté, le prophète sallam il a respecté ce harf là. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Maliyah, le ha qui on l'appelle ha sect. À la base, c'est ma arni anni mali. Mali. Mali. Donc, ça concernant l'ajout et et aussi pour respect, parce que le ha sect ici pour respecter la sonance. Hein? Pour respecter la sonance, quand il arrivait il dit pour respecter la sonance et la mélodie. aucune lettre n'est écrite par estimation personnelle, par appréciation. Chaque ductus, chaque graphie écrite, chaque lettre supprimée ou ajoutée, chaque permutation, chaque jonction ou disjonction, c'est pour une raison sage qu'elle a été faite. D'où la nécessité, chers frères, chères sœurs, d'où la nécessité de respecter la graphie othmanienne. C'est une graphie établie par des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que la révélation descendait sur lui et il dictait la révélation et les compagnons écrivaient, des compagnons désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pensez-vous que quelqu'un d'entre eux commette une erreur d'écriture dans ce contexte, dans cette ambiance spirituelle, et la révélation qui descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve cette erreur-là? On est loin de penser une telle chose. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'écrit pas, il ne lit pas. Ils étaient les hommes les plus dignes de foi, des élus. Le Coran a vanté leur mérite. Radiallahu anhum wa radu an. Les devanciers, les premiers d'entre les muhajirs et les ansars. Radiallahu anhum wa radu an. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. En plus de ça, leur pardon, des pseudo-intellectuels qui n'ont pas la connaissance profonde de la langue arabe et de ses subtilités et de son éloquence, ils s'érigent en réformateurs et en correcteurs. Écoutez, la graphie est rudimentaire. Il y a des fautes d'orthographe, ils ont été commises par les scribes. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que se dénoncer et prouver leur manque de connaissances et leur influence par les orientalistes. Subhanallah, les choubouhettes sont interminables, ils ne cessent jamais. Comment ça se fait que Ibrahim s'écrit avec un ya dans certains versets et dans d'autres versets il ne s'écrit par ne s'écrit pas par le ya, c'est une erreur d'orthographe. Ça, je l'ai trouvé dans une introduction d'une traduction du Coran faite par un orientaliste. Non, monsieur, ce n'est pas une erreur d'orthographe. Ce n'est pas une erreur, ce n'est absolument pas une erreur d'orthographe, mais parmi les ahrafs qui ont été révélés au prophète, il y a un harf où Ibrahim se prononce Ibrahim. Ibrahim. Et pour ne pas négliger ce harf-là, les scribes ont mis, dans certains endroits du Coran, ils ont mis Ibrahim sans le ya. Ils ont mis Hamza, le ba, le ra, le alif, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne le mettent pas dans ils ne le mettent pas. Et il y a le ha, ils n'ont pas mis le ya. Ils ont mis le ha et le mim juste directement. Ça, vous le lisez dans Sourate al-Baqarah. Dans certains versets de Sourate al-Baqarah, vous les allez trouver. Là, pourquoi ils n'ont pas mis le ya? Ben, pas pour respecter ce harf-là. Parce que certains tribus lisent Ibrahim. Ibrahim. Et cette harf-là, ce harf-là, il se trouve dans Qira'at ibn Amir. Ibn Amir Shami. Qui a pris le Coran de la bouche d'Abu Darda. Qira'at ibn Amir, selon ces deux riwayat, riwayat Hisham ou riwayat ibn Zikwan. C'est une lecture qui remonte authentiquement aux compagnons et mutawatir par une pluralité de chaînes de rapporteurs. Subhanallah. Quand on te critique pour des défauts que tu ne portes pas, c'est grave. Mais quand on te critique pour des choses qui ne sont en réalité pas des défauts, mais des qualités, alors là c'est le comble. Ils prennent des qualités pour des défauts. Soit par, je sais pas moi, par envie, par jalousie, haine, de la part des détracteurs de l'islam, soit par ignorance. Et les pseudo-intellectuels, beaucoup par ignorance, attention. Ça c'est un ilm, ça. C'est une science, le qira'at et la riwaya. C'est un ilm, ça. C'est une science, ça. Il y a des spécialistes dans ce domaine. Il se prévalent des propos d'Ibn Khaldoun qui dit dans Kitab Tarikh qu'au début de l'islam, l'écriture arabe n'avait pas atteint au degré d'exactitude, d'éloquence et de perfection. Il a dit ni même un niveau moyen. Il dit فَكَانَ الْخَطُّ الْعَرَبِيُّ لِأَوَّلِ الْإِسْلَامِ غَيْرُ بَالِغٍ إِلَى غَايَةٍ مِنَ الْإِحْكَامِ وَالْإِتْقَانِ وَالْإِجَادَةِ وَلَا إِلَى التَّوَسُّطِ لِمَكَانِ الْعَرَبِ مِنَ الْبَدَاوَةِ وَالتَّوَحُّشِ au bout de Manissana. Il est là, ces propos d'Ibn Khaldoun, tu le trouves partout. Ils s'en prévalent, ils le vantent, ils disent voilà ce que dit Ibn Khaldoun sur ces scribes-là, sur les compagnons, sur ceux qui ont écrit le Coran. Ils disent qu'ils n'ont pas un niveau, que l'écriture arabe n'avait pas atteint un degré d'exactitude, d'éloquence et de perfection. Ils disent pas même un niveau moyen à cause de leur béduinité et leur barbarie et leur éloignement des arts. Il a dit on le voit bien en observant ce qui s'est produit pour l'orthographe du Coran. Et les compagnons du prophète transcrivaient le Coran à leur manière qui n'était pas d'une grande rigueur. Eux, ils ont pris ce propos-là. Ils l'ont propagé, voilà ce que dit Ibn Khaldoun, là un savant musulman et tout. Il se base sur cette critique, mais écoutez, Ibn Khaldoun est un historien, est un sociologue. Ce domaine n'est pas de sa spécialité. Ibn Khaldoun est un savant, nous le reconnaissons, c'est notre savant. Il est cher à notre cœur, mais la vérité est plus cher qu'Ibn Khaldoun. La vérité est plus chère. Dans ce domaine, il faut revenir aux spécialistes. Hein? Il faut revenir aux spécialistes, comme dans tout autre domaine. Hein? En médecine, il faut revenir au médecin. Allah subhanahu wa ta'ala dit demandez, interrogez les gens du dhikr si vous ne savez pas. Donc, si on ne connaît pas, si dans un domaine de médecine, on tombe dans un problème, on recourt au médecin. En cardiologie, qui est spécialiste de la médecine, on ne recourt pas au médecin en général, mais on revient au cardiologue. Dans tout domaine physique, les physiciens, langue, les linguistes, etc. En ce qui concerne la graphie du mushaf, le mode de formulation, les qiraat avec leur chaîne d'autorité, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté, il faut revenir aux savants du Coran, ulama al-Coran. En particulier, ulama al-rasm, surtout, hein, parce que la graphie est une science. Les spécialistes dans ce domaine sont connus, hein, comme l'imam Shatibi, Qasim ibn Firra, l'imam Shatibi, l'auteur de la Shatibiya, qui est le poème Shatibiya, parce qu'il a mis le kitab de Tayser d'Abu Amr al-Dani al-Andalusi. Les Marocains et les musulmans de l'Espagne. Musulmans, ils ont beaucoup servi le qiraat et le rasm, ils ont beaucoup entretenu le rasm othmanien. Beaucoup, beaucoup sont les savants de l'Andalus qui ont beaucoup préservé et servi la science des qiraat. Bien sûr, les autres, je néglige pas les autres, les grands autres savants. Les spécialistes sont connus, les grands savants du rasm, comme Ibn al-Jazari, qui est mort en 751 de l'Hégire. Jabari, Imam Jabari, c'est un grand savant du Qira'at. Abu al-Fath ibn Jinni al-Mawsili, l'imam Suyuti, le grand imam Suyuti. Abu Amr Dani, bien sûr, qui est mort en 444 de l'Hégire. Les savants de Rasm sont connus. Ces grands savants ne recourent pas aux livres comme nous. Ils consultent les livres. Leur science, ils l'ont acquise par le Sanad, par des chaînes de rapporteurs qui remontent jusqu'au Qurra. Et la chaîne continue jusqu'au compagnon, radiallahu anhu. Abu Amr Dani, rahimahullah, il a dit, « وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الرَّسْمِ وَلَا مِنَ النَّقْطِ اصْطَلَحَ عَلَيْهِ السَّلَفُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِلَّا وَقَدْ حَاوَلُوا بِهِ وَجْهًا مِنَ الصِّحَّةِ وَالصَّوَابِ ». Il a dit, « Il n'y a pas un signe de la graphie et du système diacritique dont les salafs, il entend parler les salafs, les compagnons et les tabirines, ont convenu, stellar sont convenus, ont été, sont mis d'accord sur ces signes-là. Ils ont dit, il n'y a pas un seul signe sans qu'il n'ait tenté par lui de parvenir à une forme d'authentification et à la justesse et à la vérité. Et sans qu'il n'ait visé par ces signes-là un aspect de la langue et de l'analogie, et ce, en vertu de leur distinction en matière de science et de leur position éminente en matière d'éloquence. وليس شيء من الرسم ولا من النقط اصطلح عليه السلف رضوان الله عليهم إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة والصواب وقصدوا به طريقا من اللغة والقياس وقصدوا به طريقا من اللغة والقياس لموضعهم من العلم ومكانهم من الفصاحة en matière de science, leur vertu de leur distinction en matière de science et de leur position éminente en matière d'éloquence. Anima zalika man alima. Là, il renvoie la balle. Anima zalika man alima wa jahilahu man jahila. Il a dit, le connaît celui qui le connaît et l'ignore celui qui l'ignore. Et il a terminé sa phrase en disant, wal fadlu biyadillah. Yu'tihi man yasha. Wallahu dhul fadli al-azim. Il a dit, la faveur est dans la main d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Et Allah est celui qui détient la faveur. Il a dit ça dans Kitab al-Muhkam fi Naqt al-Masahif. Ilm, c'est une science. Ilm al-Diraya. Ça, c'est ilm al-Diraya, ça. Attention, ce ulum Qur'an, c'est pas d'il-même que nous étudions, alhamdoulilah, bon, nous essayons avec notre faible science de nous accrocher au grand, mais ça, c'est une science, c'est pas donné à tout le monde, ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est la science de Qira'a. Ce n'est pas seulement un imam qui récite le Coran selon Hafs ou selon Shu'ba an Asim ou selon Khalaf an Hamza ou Khalad an Hamza ou Riwayat ibn Zikwan ou Qira'at al-Kisa'i ou Qira'at ibn Amir ou Abu Amr al-Misri et les autres Qura'a. Ce n'est pas seulement d'exceller dans la récitation, parce que beaucoup, les Qura'a, il y en a partout dans le monde. Masha'Allah, les 10 qira'at. Mais attention, quand tu lui demandes l'origine de sa qira'a, comment c'est fait, comment c'est fait la première recension, la deuxième recension, comment les secrets, les secrets de la graphie outmanie et tout, là il reste bouche bée. Seulement une minorité, alhamdoulilah, qui a maîtrisé cette science-là. C'est pas ilm al-riwaya tout simplement, c'est ilm al-diraya, c'est la profondeur, c'est-à-dire connaissance des secrets profonds des qira'at et comment les qira'at, ces qira'at nous sont parvenus. Inch'Allah, je vais continuer la prochaine séance. Sur les qira'at, bien sûr. Je vais parler des conditions de l'acceptation du qira'at, etc. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.